j'ai comme un point de côté. Permettez-moi de douter de la sincérité des humanistes qui font dans le pathos à chaque couplet. Avide de peine et d'effets trompeurs comme les grains de beauté de Marine. Le cœur fortifié comme la ville de Thèbes, gonflé quand les regards disent je t'aime. Ce n'est pas l'espoir qu'il m'arrive de perdre, mais mon calme face au con. Mon sens critique, ce n'est pas l'école qui m'en a transmis le don. Je me sens vite, mais pas au point de sauter. Ceux qui parviennent encore à pleurer n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont. J'aurais voulu être altruiste pour pouvoir faire du rap triste. Je pense y avoir mis le ton. Insensible à la tyrannie de masse. Non, juste focalisé sur la pyramide de masse. L'eau, voilà ma barricade. J'attends le soulèvement comme deux futurs héritiers. Que leur mère et son mari cannent d'un excès de taf de cyanure d'hydrogène. Je me tape de tes fantasmes sur ce que tes Illuminati projettent. Tout autant que de l'utopie du micro-cred. Mon bouclier est loin d'être fiscal, mais il me protège.